que nous aimerions, chers amis, entendre cet enseignement de Jésus proclamé avec autorité. Qu'est-ce que nous aimerions l'avoir entendu? Pourtant, saint Marc ne nous en rend pas compte. Il ne donne aucun détail sur le contenu de cet enseignement. Mais nous voyons l'effet qu'il fait sur les personnes qui l'entendent. Nous voyons l'effet de cet enseignement sur tous ceux qui sont présents dans la synagogue. Ils reconnaissent que cet enseignement est nouveau. Il n'est pas celui qu'enseignaient les scribes. Il y a quelque chose de neuf qui est donné, une nouveauté de cet enseignement. Et puis il va poser un acte, un geste, un acte fort. Il va libérer cet homme possédé par un esprit mauvais. Il va le libérer de cet esprit. Cet esprit qui reconnaissait et qui affirmait « Tu es le Saint, tu es le Saint de Dieu, Jésus de Nazareth, que nous veux-tu ? » Et Jésus, d'une parole ferme, va le chasser. « Silence, sors de cet homme. » Cet acte, cet enseignement avec autorité, eh bien, va susciter le questionnement. Qu'est-ce que cela veut dire, s'interrogent les assistants de la synagogue. Qu'est-ce que cela veut dire? Frères et sœurs, il y a là, me semble-t-il, dans cette attitude, dans cette question des assistants de la synagogue, il y a là probablement une caractéristique de l'autorité. L'autorité pose des bonnes questions. Il me revient une histoire dont j'ai entendu récemment parler, l'histoire du petit Steve, qui a 13 ans. Et comme tous les dimanches, il va au culte avec ses parents. Puis à 13 ans, Steve est très sensible aux grandes questions de ce monde. Il est très sensible à la souffrance, par exemple, à la famine dans le monde, aux injustices. Et un jour, il va tomber sur la une d'un magazine qui montre en couverture des enfants décharnés par la famine, mourant de faim. Choqué par cette image, le dimanche suivant, il prend le magazine et se rend à son église et entre en dialogue avec le pasteur. Il demande au pasteur, « Si je lève un doigt, est-ce que Dieu va savoir lequel je lève avant même que je le fasse ?» Le pasteur lui répond, « Oui, Dieu sait tout. » Alors Steve tire son magazine et montre la couverture. Est-ce que Dieu sait cela, ce qui va arriver à ses enfants? Et le pasteur de répondre, Steve, je sais que tu ne comprends pas, mais oui, Dieu sait cela. Alors Steve répond au pasteur, moi je ne peux pas faire confiance et je ne veux pas faire confiance à un tel Dieu. Et Steve n'est jamais revenu à l'église. Cet homme est devenu Steve Jobs, que nous connaissons pour son grand charisme et sa réussite dans une grande compagnie. Et cette histoire nous remet devant ce que souvent, dans la foi, nous n'osons plus faire parce que nous sommes comme à vouloir nous rassurer que nous savons et que nous sommes dans la vérité. C'est poser des questions. Pourtant, Jésus, dans cet enseignement avec autorité qu'il va donner, ne va pas asséner des vérités. Il va donner un enseignement qui parle au cœur des hommes, qui répond au sens de la vie de ces hommes et ces femmes qui sont là à l'écouter. Il pose des questions, il révèle les questions qui habitent le cœur de l'homme. Il part donc du questionnement qui est en nous. Et à l'inverse, l'enseignement des scribes était un enseignement qui apportait des réponses, souvent morales d'ailleurs, ou culturelles, liées à la purification ou à la manière de vivre telle ou telle manière. Des questions qui, dans le fond, ou des réponses qui ne répondaient à aucune question. Des réponses assénées sans qu'il n'y ait aucune question ou aucune attente de la part de l'auditoire. Jésus parle avec autorité et pose des actes d'autorité. D'ailleurs, le seul qui va poser une affirmation dans cet épisode, et qui va dire une vérité d'ailleurs, c'est l'esprit mauvais. Tu es le Christ, Jésus de Nazareth, tu es le Saint de Dieu. C'est vrai, il est en train de proclamer la foi. Mais l'attitude qui va manifester que les gens voient l'autorité de Jésus, c'est cet étonnement. Qu'est-ce que cela veut dire ? Jésus, par sa proclamation, suscite un étonnement, un questionnement. Il fait cheminer le monde qui l'écoute. Il met en route des cœurs qui peut-être depuis bien longtemps ne s'étaient plus mis en route. J'ai eu la chance la semaine dernière de vivre un petit voyage missionnaire et d'études en Californie, et nous avons eu l'occasion de rencontrer aussi à Hollywood des producteurs de films, et notamment Ralph Winter, qui est un producteur de films que nous connaissons dans le fond, Tigre et Dragon, X-Men et les derniers Planète des Singes, c'est lui qui a réalisé ces films. Il est catholique, et on lui posait la question de savoir pour lui c'est quoi un beau film, un bon film. Et il nous disait, un film doit poser des questions et ne doit pas d'abord apporter des réponses. C'est le critère de beaucoup de producteurs de films ou de scénaristes, que le film nous fasse bouger. Et Jésus, de la même manière, et je pense que les producteurs et les scénaristes s'inspirent profondément du récit biblique et de la narration de la Bible, Jésus nous met en chemin par son récit. Il nous fait nous déplacer, il nous pose et nous fait nous poser des questions. Alors, frères et sœurs, cela doit nous interroger, nous les premiers. Parce que nous sommes appelés à rendre compte à nos enfants ou à des personnes de notre foi. Et parfois, par simplisme ou par peur, nous assénons des vérités avant de susciter et d'entraîner et d'encourager et d'accompagner les questionnements. Et des fois, nous n'avons pas les réponses. Que devait répondre ce pasteur au petit Steve qui avait 13 ans? Il a fait comme probablement beaucoup d'entre nous auraient fait. Pourtant, c'est pas ce que Steve attendait à cet âge-là. Combien de personnes autour de nous sont elles-mêmes pleines de questions et n'attendent pas une réponse de notre part, mais une présence qui les accompagne dans leurs questionnements, une présence solide qui les accompagne sur une quête de vérité. Ayons cette humilité, frères et sœurs, et puisque nous voulons ce soir honorer saint Thomas d'Aquin, la figure de ce théologien, de ce chercheur de vérité, ayons l'humilité de continuer sans cesse à nous questionner nous-mêmes et à nous mettre et à nous laisser être en route sur la quête de vérité, cette quête profonde de vérité qui habite notre cœur, cette recherche de la lumière, cette recherche de la personne de Jésus, après qui nous courons sans cesse, jour après jour. Laissons-nous questionner, ne nous arrêtons jamais. Ne nous arrêtons jamais. Et saint Thomas d'Aquin avait cette facilité, lorsque même il disait une vérité, de la dire toujours d'une manière, dans un sens, ou dans un autre. On pouvait toujours comprendre de deux ou trois manières la vérité qui était proclamée. Oui, car nous pouvons toujours continuer ce questionnement et comprendre de nombreuses manières ce que le Seigneur Jésus est venu nous révéler. Alors demandons cette grâce par l'intercession de saint Thomas d'être en route, de nous laisser être en route, de continuer à nous laisser déplacer. Notre fondement, c'est le Christ, la personne même de Jésus. Il est lui cette vérité que nous cherchons, mais que nous continuons encore jour après jour à chercher.